Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Cette semaine, nous vous proposons une expérience inédite, saisir ce qui par définition nous échappe, nous est perdu à jamais, l'oubli. Des clés égarées, une adresse, un code, un nom qui nous sont sortis de l'esprit, un moment, une atmosphère, un je ne sais quoi qui se rappellent à nous, nous avons tous fait l'expérience d'avoir oublié quelque chose ou quelqu'un. Mais l'oubli nous apparaît seulement quand il ne l'est plus, quand le souvenir surgit, quand on surprend l'absence avec angoisse ou émotion. Drôle de paradoxe. Peut-on vraiment faire l'expérience de l'oubli tel quel? Comment le provoquer? Comment apprendre à ne plus se souvenir, à ne plus savoir, à ne pas enregistrer? Comment cultiver la disparition d'une partie de nous? Et pourquoi faudrait-il même s'en réjouir? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. Bonjour Patrick Wötling. Bonjour Géraldine. Vous êtes professeur de philosophie, ancien élève de l'ENS, directeur du département de philosophie de l'Université de Reims et fondateur du groupe international de recherche sur Nietzsche. Vous avez traduit en grande partie les œuvres de Nietzsche. Vous êtes l'auteur récemment de « Oui, l'homme fut un essai, la philosophie de l'avenir selon Nietzsche » qui est paru au PUF en 2016. Alors, première question, Patrick Wötling, peut-on se réjouir comme Jeanne Moreau, et peut-être chez Nietzsche, vous allez nous dire, d'avoir la mémoire qui flanche? Absolument, il faut s'en réjouir, c'est même selon Nietzsche une tendance naturelle du vivant, on va sans doute revenir sur ce thème. Donc ça signifie d'emblée que la manière dont on apprécie, dont on valorise, ou plutôt dévalorise ordinairement l'oubli, la perte de mémoire, qui est vue comme quelque chose de négatif, comme une perte, un trou, un vide, eh bien, doit être probablement révisée. Et alors dans quel sens, selon Nietzsche? En quelques mots, comment peut-on valoriser l'oubli alors même que effectivement la perte de mémoire est plutôt vue comme une défaillance, plutôt signe de perte de capacité, de moyens? Oui, il s'agit précisément d'arriver à comprendre quelle est la logique qui se trame dans l'oubli, ou plus exactement de distinguer en fait un oubli comme simple éclipse, disons, momentanée de mémoire qui n'a pas grande signification, l'oubli des clés, où sont les clés? Voilà, l'oubli des clés, où est-ce que j'ai mis mes clés? Bon, ça c'est, je me rappelle où elles sont, je les retrouve, c'est pas, comment dire, c'est pas une tendance profonde. En revanche, il y a un oubli, une tendance profonde de l'oubli qui là est liée directement selon Nietzsche aux régulations vitales et aux exigences de la vie organique elle-même. C'est ça qu'il s'agit finalement de penser véritablement en ne laissant pas figurer au premier plan uniquement l'oubli dans sa version négative, dans sa compréhension négative. Donc c'est toute une, évidemment, c'est toute une logique de l'analyse du vivant, de la vie organique qu'il s'agit de mener. Et c'est ce que Nietzsche fait à travers l'ensemble de son œuvre, de façon plus ou moins appuyée hein, selon les moments. Il y a des passages, des textes dans lesquels il insiste plus spécifiquement sur les rouages, la logique de ces mécanismes d'oubli qui nous font penser des choses très paradoxales, puisqu'on va apprendre que l'oubli c'est positif, que l'oubli ça s'éduque, que l'oubli ça peut se contrôler, et surtout que l'oubli c'est la condition qui rend possible énormément de choses. Comme quoi par exemple? Par exemple la vie sociale. Par exemple, toute la vie sociale, tout le second traité de la généalogie de la morale est fondé sur cette affaire de la tendance à l'oubli qui est une régulation fondamentale du vivant, et la manière dont cette tendance à l'oubli peut être régulée, éduquée, contrecarrée, canalisée, représente pour Nietzsche le fondement même de la possibilité d'une vie communautaire. Donc l'oubli n'est pas un empêchement, au contraire, c'est une condition de possibilité, oui, d'action. Absolument, Nietzsche est tout à fait positif là-dessus, c'est le cas de le dire, c'est vraiment une réalité, une tendance, un processus qui est positif si on le comprend bien. Alors on va tout de suite écouter Nietzsche, enfin interprété par la comédienne Hélène Losseur, parler de l'oubli et de cette nécessité d'oublier. Il est toujours une chose par laquelle le bonheur devient le bonheur, la faculté d'oublier. Ou bien en termes plus savants, la faculté de sentir les choses aussi longtemps que dure le bonheur, en dehors de toute perspective historique. Celui qui ne sait pas s'installer au seuil de l'instant, en oubliant tout le passé. Celui qui ne sait pas, telle une déesse de la victoire, se tenir debout sur un seul point, sans crainte et sans vertige, celui-là ne saura jamais ce qu'est le bonheur. Pire encore, il ne fera jamais rien qui rende les autres heureux. Représentez-vous, pour prendre un exemple extrême, un homme qui ne posséderait pas la force d'oublier et serait condamné à voir en toute chose un devenir. Un tel homme ne croirait plus à sa propre existence, ne croirait plus en soi. Il verrait tout se dissoudre en une multitude de points mouvants et perdrait pied dans ce torrent du devenir. En véritable disciple d'Héraclite, il finirait par ne même plus oser lever le petit doigt. Toute action exige l'oubli. De même que toute vie organique exige non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. Un homme qui voudrait sentir les choses de façon absolument et exclusivement historique ressemblerait à quelqu'un qu'on aurait contraint à se priver de sommeil, ou à un animal qui ne devrait vivre que de ruminer continuellement les mêmes aliments. Il est donc possible de vivre, et même de vivre heureux, presque sans aucune mémoire, comme le montre l'animal. Mais il est absolument impossible de vivre sans oubli. Ou bien, pour m'expliquer encore plus simplement sur mon sujet, il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historique, au-delà duquel l'être vivant se trouve ébranlé et finalement détruit, qu'il s'agisse d'un individu, d'un peuple ou d'une civilisation. Quel texte magnifique, Patrick Votling. C'est un extrait de la seconde considération intempestive ou inactuelle, ça dépend les traductions. C'est un texte qui date de 1874. On y trouve de très belles phrases. Celui qui ne sait pas s'installer au seuil de l'instant, se tenir debout sur un seul point. Cette phrase, il est absolument impossible de vivre sans oubli. Il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historique au-delà duquel l'être vivant se trouve ébranlé et finalement détruit. Ce sont des très belles phrases. L'idée même d'une nécessité de l'oubli est une idée extrêmement séduisante, mais pas du tout évitante, pas du tout intuitive. C'est même tout à fait contre-intuitif, effectivement. Ce qui est dit ici, alors il faut voir peut-être pour éclairer le sens de l'analyse pour le texte, très beau texte qui vient d'être lu, en effet, qu'on est dans un contexte où Nietzsche s'interroge sur l'espèce d'hypertrophie du sens historique, de la valorisation de l'histoire dans l'Europe contemporaine et tout particulièrement en Allemagne. Et l'objectif de sa réflexion est de montrer précisément les dangers qui découlent de cette survalorisation de l'histoire. C'est à partir de là donc qu'il peut réfléchir sur l'oubli et sur cette chose très très contre-intuitive et paradoxale que sont les bienfaits de l'oubli, toujours dans la perspective de la vie. Faut pas l'oublier, c'est ça finalement, il faut jamais perdre de vue, c'est une des choses que les historiens ont tendance à perdre de vue. L'homme n'est pas un pur esprit, l'homme n'est pas une machine à construire du savoir et surtout pas à avaler du savoir et à stocker du savoir. Et le problème est bien là, c'est que pour l'épanouissement, pour ce que Nietzsche désigne comme le bonheur ici, qui suppose une certaine manière de coller au présent, d'épouser le présent, de jouir du présent, de le vivre, d'en profiter, bien, il faut avoir un minimum de liberté, de légèreté, ne pas être paralysé, écrasé par le poids du souvenir du passé. C'est une des directions qui permettent de comprendre un petit peu pourquoi Nietzsche valorise l'oubli de cette manière. Et le rapport à l'animal, au modèle animal, qui est une espèce de modèle général du vivant, est très parlant, effectivement. L'animal ne connaît pas en quelque sorte, les angoisses, les complications d'existence, les crises, voire les crises d'identité qui sont devenues le lot commun, finalement, de l'homme contemporain. Et Nietzsche l'attribue notamment au fait que l'animal, justement, ne fait pas d'histoire, qu'il n'a pas, il ne souffre pas de cette espèce d'hypertrophie de la mémoire qui surcharge, paralyse en quelque sorte les régulations vitales fondamentales. Donc l'animal oublie, il vit dans l'instant et il est heureux de cette coïncidence avec le présent. Oui, mais l'objection qu'on peut adresser à Nietzsche, c'est qu'on peut vivre collé plus pertinemment, plus légèrement au présent, précisément parce qu'on a une connaissance du passé, parce qu'on a de l'expérience, qu'on est capable de savoir coller, de s'adapter à la situation. Vous avez tout à fait raison, à condition que on n'en vienne pas à lâcher les rênes, c'est-à-dire à considérer que tout souvenir, tout mémoire, tout fait, tout ce qui est passé mérite d'être retenu, valorisé, stocké. Et c'est précisément pour ça que je parlais d'hypertrophie. Le problème est là dans les études historiques, c'est qu'on en vient à survaloriser, selon Nietzsche, tout le passé. Tout le passé, ce qui se traduit par toute une série de conséquences qui sont très négatives. La plus spectaculaire, sans doute, étant cette espèce d'encombrement de la mémoire, de la conscience, qui fait que, à force de vouloir tout connaître, tout savoir, tout retenir, eh bien, on finit par ne plus rien pouvoir apprécier. On n'est plus qu'une machine à retenir et à stocker, comme je le disais tout à l'heure. Et ça s'avère contre-productif pour jouir du présent. Alors effectivement qu'il y ait, il ne s'agit pas non plus de vivre dans une amnésie totale, c'est pas ce que prêche Nietzsche. Quand il parle de la nécessité de l'oubli, on va sûrement approfondir ce point par la suite. L'oubli doit être, il est par nature sélectif, c'est un tri, c'est pas une machine à oublier, c'est une machine plutôt à trier, à hiérarchiser. Et c'est ça que veut dire Nietzsche, qu'il est une vie bien organisée, une vie qui est épanouie, est toujours une vie qui choisit, qui hiérarchise, qui retient et qui élimine certains facteurs. Donc vous avez raison, effectivement, il faut certainement, et on ne peut pas faire autrement de toute façon, garder une certaine mémoire, garder un certain stockage d'expérience, donc un certain rapport au passé. Ce que Nietzsche critique et rejette, en revanche, c'est cette espèce d'absolutisation du rapport au passé, comme si tout était bon et comme si finalement il était légitime de vouloir absolument tout connaître et tout retenir, comme si l'objectivité et le savoir étaient en quelque sorte des normes absolues auxquelles il faille tout sacrifier. Or, ça, c'est une manière de voir et une manière de faire, surtout, qui est absolument, enfin, en totale contradiction avec les exigences du vivant. Est-ce que Nietzsche préconise un bon usage de l'histoire? Alors, des souvenirs, des événements passés, de mobilisation de ce qui a eu lieu, que l'on aurait enregistré et dont on pourrait se servir pour le moment présent. Si l'homme n'est pas ni hypermnésique ni amnésique, quel bon dosage, quel bon rapport avoir avec l'histoire? C'est tout le problème de la seconde considération inactuelle, ça qui consiste finalement à analyser l'hyper-succès, l'hyper-valorisation des études historiques dans l'époque contemporaine, tout particulièrement en Allemagne, et à essayer d'analyser en quelque sorte ces tendances qui se révèlent au sein de la manière de faire de l'histoire, pour évaluer en quelque sorte le pour et le contre. C'est ce que dit le titre de la considération, utilité et inconvénient pour la vie. Ne pas oublier que l'homme c'est un vivant, c'est dans la perspective de la vie qu'on doit juger de l'intérêt ou du danger de ses activités. Alors Nietzsche distingue en gros trois grands types, trois grandes manières de se rapporter à l'histoire qui chacune ont leur utilité mais aussi leur danger si elles deviennent, si elles sont prises de façon isolée, absolutisée, hypertrophiée. Par exemple, le premier cas, l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire monumentale, c'est une espèce de souvenir, c'est une histoire qui porte essentiellement sur les grands hommes, les grands faits, les grandes réussites de l'histoire humaine. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui peut avoir un aspect tout à fait valorisant, se sentir l'héritier de ce genre de choses, des grandeurs de l'histoire humaine. Alors voilà quelque chose qui peut nous aider effectivement à vivre notre rapport au présent, notre rapport à notre existence immédiate, avoir des grands modèles en quelque sorte. Bon, ça peut aussi dégénérer en une forme de vénération tout à fait écrasante, face à laquelle on se sent tout à fait petit, médiocre, impuissant. Ça peut entraîner, vous voyez, l'excès peut entraîner une paralysie de la sorte. Et les autres types de rapports à l'histoire que Nietzsche évoque, ce qu'on appelle techniquement en général l'histoire antiquaire et puis l'histoire critique, peuvent avoir le même type de double fonction. C'est une question de dosage qui est très très compliquée. L'objectif du reste de Nietzsche dans la seconde considération inactuelle, c'est pas tellement de répondre précisément à la question de la limite. Comment faire? Il ne dit pas comment faire. Il ne nous dit pas absolument comment faire. Il donne des indications générales. Mais son objectif, surtout, de montrer que nous en sommes, nous, Européens contemporains, à un point de déséquilibre tel qu'il est urgent de faire intervenir une contraction. de contrecarrer cette espèce d'hypertrophie de la valorisation du passé qui nous étouffe littéralement, qui nous suffoque actuellement. Mais est-ce qu'il n'avait pas une mauvaise vision, comment dire, est-ce que Nietzsche ne voulait pas avoir une posture volontairement provocante et qu'il a caricaturé aussi le rapport à l'histoire ? Caricaturer le rapport à l'histoire, on peut toujours avoir en faire un stock de données écrasant, c'est une manière de voir l'histoire qui... Oui, mais c'est une manière de voir l'histoire qui est présente chez certains des historiens de son temps, une sorte de positivisme ou d'hyper-objectivisme historique, et qui, par ailleurs, trouve réellement un écho dans la culture européenne contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a quand même une valorisation du rapport au passé, à l'histoire. Ça se voit par exemple dans l'évolution des disciplines universitaires aux yeux de Nietzsche, alors l'histoire évidemment comme discipline à part entière en tant que telle, mais cette tendance historicisante se répand dans tous les autres domaines. Nietzsche est philologue, un spécialiste de lettres classiques, disons de la culture grecque en particulier, et il voit que le travail justement des philologues est de plus en plus canalisé, guidé par cette tendance historienne. C'est-à-dire qu'on pense que finalement le rapport à la culture grecque, le rapport universitaire érudit à la culture grecque, c'est essentiellement un rapport de connaissances historiques, de stockage, de rétention, que Nietzsche va trouver, lui, tout à fait aveugle et inutile. S'il y a quelque chose d'intéressant à faire relativement aux Grecs, ça n'est certainement pas de stocker comme ça, de momifier le savoir grec et de le conserver. Ça, c'est une tendance muséale, c'est une tendance... Monumentale, comme vous disiez. Oui, monumentale, il dirait plutôt antiquaire. Dans le cas présent, c'est plutôt la deuxième tendance, c'est-à-dire la tendance à l'hypervénération du passé. Mais l'hypervénération du passé, ça peut conduire aussi à l'idée que le présent ne vaut rien, que c'est pas la peine de s'y investir, ou qu'on ne peut pas s'y investir. C'est une des déviations qu'il dénonce encore et qu'il trouve particulièrement présente. Donc, je ne suis pas tout à fait certain qu'il soit vraiment caricatural. Je pense qu'il pense réellement quelque chose et qu'il est informé des tendances de son époque. Il les voit assez bien, en fait. Donc, avec Nietzsche, pas de « c'était mieux avant ». Pour ce qui est des opinions, en quelque sorte des thèses de Nietzsche, non, sûrement pas, pour la bonne raison que l'histoire de manière générale, l'histoire de la culture, l'histoire des cultures humaines, c'est une histoire en dents de scie, de haut, de bas, ça change sans arrêt, il y a des modèles grandioses, il y a dans le passé, mais dans le passé récent, dans le présent, non, on n'a pas affaire à une vision qui serait une espèce de vision pessimiste de l'histoire comme une espèce de dégradation inéluctable. Mais ça, par contre, c'est une des choses qu'il dénonce comme étant une des retombées, d'une certaine manière, scientifique, universitaire, de faire de l'histoire. Trop valoriser le passé, ça peut avoir ce genre d'effet également, qui est néfaste. Alors là, évidemment, si on considère que on vit dans un temps de décadence généralisée, que de toute façon, c'est même pas la peine de s'investir parce que ça n'en vaut pas la peine, que la grandeur humaine est derrière nous, qu'elle est passée, qu'on ne pourra plus jamais la récupérer, là, évidemment, c'est la recette pour vivre une vie de paralysie et d'inaction. Il est incontestable quand vous retournez dans une maison que vous avez oubliée depuis très longtemps, que vous retrouvez l'odeur du grenier, que cela vous fait monter à l'esprit de nombreux souvenirs que vous croyez morts. Et c'est là que se pose la question de la mort du souvenir. On croit un souvenir mort, il est endormi. Certains auteurs, et ils n'ont les moindres, disent que l'oubli n'existe pas. Il y a un refoulement. Certains auteurs même vont peut-être un peu loin et disent que la mémoire devrait englober tout, devrait englober nos souvenirs à partir du moment même de la naissance, mais qu'il y a un refoulement à la phase d'identification au père ou à la mère, selon les cas, les souvenirs antérieurs sont refoulés, mais apparaissent souvent au cours de l'exploration psychanalytique. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous sommes en pleine semaine sur l'oubli. C'est notre premier temps, l'oubli chez Nietzsche. Et on vient d'entendre la voix, Patrick Wötling, du psychiatre Léon Michaud. C'était en 1974 sur France Culture. On l'a entendu parler de refoulement. Cela va nous permettre de caractériser la nécessité d'oublier chez Nietzsche, la nature de l'oubli chez Nietzsche. Est-ce que l'oubli chez Nietzsche relève de la destruction pure et simple des faits? Est-ce qu'il s'agit d'éradiquer une partie du passé ou est-ce qu'il s'agit juste d'enfouir, de refouler pour un temps un certain nombre de données qui pourront ressurgir à la faveur d'un événement, comme le disait Léon Michaud dans l'archive, lorsqu'on visite par exemple une maison dans laquelle on est allé longtemps et qu'on avait oublié et les odeurs nous reviennent, les atmosphères. On pourrait évidemment penser à Proust dans ce cas-là, où la Madeleine nous rappelle les souvenirs de ce moment-là, des souvenirs du temps passé. Alors, il ne s'agit pas de détruire, il ne s'agit pas non plus de refouler. Et la première chose qu'il faut dire pour bien comprendre, c'est que la perspective qui est celle de Nietzsche ne coïncide pas, n'est pas superposable avec la perspective métapsychologique ou psychanalytique qui vient d'être évoquée. Elle prétend trouver, identifier, disons, un processus qui, plus, si j'ose dire, plus radical, plus profond encore. Alors, l'oubli au sens positif dont Nietzsche nous parle, c'est l'exact contraire du refoulement. Le refoulement, c'est le fait de, comment dire, d'enfouir précisément quelque chose et d'en perdre le souvenir contrôlé. Mais c'est quelque chose qui est un trouble qui est vécu sur un mode négatif. Cet oubli positif dont Nietzsche nous parle, il obéit à une logique qui est à peu près la suivante, celle qui est développée au début du second traité de la généalogie de la morale en particulier et qui est rapportée donc à l'analyse du vivant. Il est nécessaire pour que quelque chose passe véritablement, efficacement dans la vie du corps, donc quelque chose d'important, quelque chose, souvenir, rapport à l'expérience, il est nécessaire, nous dit Nietzsche, que ce soit, pour être incorporé, que ce soit oublié. Oublié, ça veut dire précisément rendu inconscient. Attention, rendu inconscient n'a rien de négatif, au contraire, chez Nietzsche. Et ça n'a rien à voir avec l'inconscient psychanalytique. Il n'y a pas d'inconscient chez Nietzsche, à proprement parler. Il n'y a pas d'inconscient au sens d'une instance, comme on la trouve chez Freud, par exemple, une instance unifiée. Il y a un univers infraconscient. Je préfère utiliser le terme d'infraconscient pour éviter précisément les confusions avec l'univers métapsychologique, parce que les logiques sont quand même très très différentes. Donc il n'y a pas d'inconscient à proprement parler. Par contre, il y a une strate, une base, qui est la base même de la vie organique, qui elle est infraconsciente. L'univers de ce que Nietzsche appelle les pulsions, les instincts, en général c'est souvent le terme qu'il utilise, enfin le plus fréquemment il utilise ces termes-là, on y reviendra peut-être, et donc oublier, ça signifie généralement, c'est pour ça que ça n'est pas une destruction, que ça n'est pas une perte, ça signifie faire passer dans la vie du corps, faire sortir de la sphère de la conscience. Tant qu'une chose est dans la sphère de la conscience, ça veut dire qu'elle n'entre en action que sur la base d'une réflexion, d'un calcul. Or, la vie de la conscience est une vie qui est boiteuse, qui est sujette à l'erreur, sujette aux imprécisions. Et l'observation que fait Nietzsche, c'est que les grandes fonctions qui sont régulatrices du vivant sont toutes des fonctions qui sont devenues inconscientes. Ce qui explique leur sûreté, leur efficacité, le fait qu'il n'y ait jamais d'erreur, c'est précisément le fait qu'elles soient passées dans la vie du corps. Donc oublier, ça veut dire ça. Ça veut dire, à la faveur de toute une série de techniques, et là on parle évidemment de la vie culturelle à long terme. Ce sont des échelles temporelles extrêmement, extrêmement longues. Naturellement, ça ne fait pas l'échelle de la vie d'un individu. Rendre inconscientes certaines choses, mais rendues inconscientes, elles agissent sans cesse. Elles sont devenues des régulations du corps. Je prends un exemple tout bête et tout simple, mais Nietzsche le prend lui-même, je crois qu'il est assez parlant. Le cas des grandes fonctions organiques que j'évoquais, par exemple la digestion, quand on digère, quand on ingère des aliments, qu'on les assimile, que l'organisme les trie, les décompose, les assimile, les rejette une partie, en assimile une autre, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Toute cette machinerie extraordinairement complexe est intégralement infraconsciente. Donc oublier pour lui, c'est comme digérer. Oui, c'était comme digérer. C'est l'image qu'il prend au début du second traité de la généalogie de la morale. Il nous parle de digestion spirituelle, psychique, en quelque sorte, qui est l'équivalent plus général, disons, d'une digestion organique, une digestion matérielle, en quelque sorte. C'est un bon modèle, la digestion, pour comprendre ce qui se passe. Effectivement, oublier, au bon sens du terme, c'est rendre quelque chose inconscient. Mais j'insiste là-dessus, rendre inconscient, ça ne veut pas dire le perdre, ça ne veut pas dire le neutraliser, ça ne veut pas dire le détruire, ça veut dire l'agréger à toutes les régulations physiques, les régulations de l'organisme, qui sont déjà actives. Alors, il y a cette expression chez lui, où il dit « toute chose passée ou lointaine, la nature la plus puissante saurait la transformer en son propre sang ». C'est oui. Ça, incorporer, transformer, c'est ça, exactement, digérer. C'est l'image, qu'il utilise souvent, transformer, faire devenir chair et sang, transformer en son propre sang, c'est une image, ce n'est qu'une image, bien entendu. Mais c'est une image qui veut dire agréger à la vie du corps, en effet. Oui, oui. Mais alors par là, exemple, nos préférences, je vous interromps, mais nos préférences fondamentales, ce que Nietzsche appelle nos valeurs, ce sont précisément, au départ, de simples sentiments tout à fait arbitraires, telle culture valorise telle chose et dévalorise telle autre, mais ces choses sont passées dans la vie de notre corps depuis des générations et des générations, de telle sorte que désormais, les attirances et les répulsions pour le bien, pour le mal, pour le séduisant, le dégoûtant, etc., par exemple, se font instantanément. Nous n'avons pas besoin de réfléchir à cela. C'est, voilà, une régulation infraconsciente, c'est ça, c'est-à-dire une espèce de régulation de l'action, une espèce de canalisation, de guidage de l'action qui va se faire instantanément, hors de toute réflexion. Voilà ce que Nietzsche appelle en fait une pulsion ou un instinct. En action, c'est ça, quelque chose qui agit comme ça. Ça, c'est le résultat d'un processus d'oubli. On ne réfléchit pas, on ne se dit pas « Ah, je vais réfléchir pour savoir quels sont mes critères du bien ». Non, ça se fait, notre jugement, en quelque sorte, infraconscient, se fait instantanément face à une action qui va nous sembler généreuse ou au contraire inhumaine, monstrueuse. Le jugement se fait instantanément, il est infraconscient. C'est un résultat de l'oubli, ça. Alors, si l'oubli doit devenir une pulsion, le résultat d'un processus infraconscient, d'une part déjà comment on peut éduquer cette nécessité d'oublier, ce devoir d'oubli, et puis d'autre part, tout à l'heure je vous ai dit, Patrick Wöttling, que je trouvais que Nietzsche pouvait avoir une posture volontairement provocante dans son rapport à l'histoire en prônant à tout prix un droit, un devoir d'oublier, ou l'oubli en tout cas, et en même temps on peut aussi dire que Nietzsche a une posture on ne peut plus évidente, car l'oubli, si c'est quelque chose d'inconscient, en fait, il se fait déjà malgré nous. On oublie des choses. Quand j'oublie mes clés, quand j'oublie un souvenir, je le fais déjà malgré moi. Je n'ai pas besoin de l'instaurer, de le vouloir. C'est déjà là. Vous avez raison, c'est déjà là, effectivement, on est, nous sommes des vivants organiques, donc effectivement c'est quelque chose qui est constitutif du vivant. Le champ sur lequel on peut agir, encore une fois, c'est une histoire culturelle dont Nietzsche nous parle, donc c'est une chose dont les mouvements sont très lents, les déplacements se font de manière très très très très modeste, sur des durées considérables. Nietzsche nous dit toujours qu'il faut des dizaines de millénaires pour arriver à fixer quelque chose, une petite modification dans le caractère humain. Le champ sur lequel on peut intervenir, en revanche, c'est le contenu des éléments qui seront assimilés, fixés par l'oubli. C'est-à-dire que c'est-à-dire telle ou telle culture, ça varie avec toutes les organisations humaines. Il y a autant évidemment de systèmes de valeurs qu'il y a de cultures humaines. Ça, les possibilités sont infinies à cet égard. Mais une culture déterminée va généralement fixer un certain nombre de préférences absolument fondamentales, choses qui sont considérées comme des nécessités absolues, qui doivent être vraiment des normes de vie. Et ce sont ces choses-là qui, à la faveur d'une série de techniques très complexes que Nietzsche étudie, là, il est dit de ce point de vue, il apporte vraiment quelque chose de totalement novateur en philosophie. Ça n'avait jamais été envisagé avant lui. À la faveur d'un certain nombre de techniques assez complexes, assez difficiles à distinguer, on peut agir à long terme sur l'oubli, je dirais, profond. Parce qu'il faut distinguer, encore une fois, l'oubli, effectivement, qui se manifeste aussi bien dans les choses banales. J'ai oublié mes clés, j'ai oublié le code de mon immeuble, qu'on vient de changer, des choses comme ça. Bien sûr, ça existe, ça, mais ça reste à un niveau relativement superficiel. Et puis, il y a cet oubli profond qui est vraiment régulateur. Et sur lui, on peut effectivement agir, on peut changer les préférences, on peut changer les priorités d'organisation de l'action. Et ça nous donne à chaque fois une manière de vivre, un type de vivant. C'est toujours un homme, évidemment, mais un type de vivant, un type d'homme, une forme de la vie humaine qui est un peu différente. Voilà, c'est cet oubli profond, donc, qui est véritablement la conquête de la réflexion nietzschéenne. Avant tout, ce que nous attendons de vous, Monsieur Barich, c'est que vous rentriez chez vous et que vous rassembliez tout ce que vous possédez qui peut avoir un rapport avec Clémentine. Absolument tout. Nous nous servirons de ces objets pour dresser une carte des souvenirs de Clémentine dans votre cerveau. D'accord ? Nous aurons besoin de photos, de vêtements, de cadeaux, de livres qu'elle aurait pu vous offrir, de CD que vous auriez achetés ensemble, d'articles de journaux. Nous allons débarrasser votre maison, débarrasser votre vie de Clémentine. Et une fois que la carte sera établie, Nos techniciens procéderont à l'effacement chez vous ce soir. Comme ça, demain matin, vous vous réveillerez dans votre lit, comme si rien ne s'était passé, avec une nouvelle vie qui vous attend. Je m'appelle Joël Barish et j'aimerais que l'on efface Clémentine Krouchinski. Vous êtes bien installé ? Concentrez-vous sur les souvenirs. Vous voyez là, monsieur Barish, je suis en train de créer une carte de votre cerveau. Je suis pas à l'aise. Attends, je vais essayer ça. Voilà, j'y suis presque. Ah, votre journal. Un objet inestimable. J'ai rencontré quelqu'un ce soir. Patrick Voetling, on vient d'entendre un extrait du film de Michel Gondry sorti en 2004, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. On y entend Joël, interprété par Jim Carrey, vouloir enlever, supprimer toute une partie de sa vie, toute sa relation amoureuse vécue avec Clémentine. J'en profite pour dire qu'on a entendu la voix de Georges Clés, qui est la voix française du docteur Mirzvia, qui est donc l'inventeur du procédé dans ce film, le procédé qui permet de supprimer tout un ensemble de souvenirs. Vous avez fait la distinction, Patrick Voetling, chez Nietzsche, entre oubli, on va dire sans intérêt, la perte de clé, d'un code de l'immeuble, et puis le grand oubli, l'oubli de souvenir d'une partie de sa vie. Est-ce que c'est ça, le grand oubli ? Est-ce que c'est ça qui nous permet de mieux vivre ? Par exemple, se dépêtrer d'une ancienne relation passée va nous permettre de mieux agir dans le présent. Oui, absolument. Ça, j'évoquais des mouvements encore bien plus profonds que cela, des mouvements culturels à long terme, mais même à l'échelle de la vie d'un individu ou d'une communauté sur une durée relativement restreinte, ce genre de choses existent, oui. Et Nietzsche utilise toujours l'image de la digestion, pour faire comprendre ce que c'est. C'est comme se débarrasser de quelque chose, c'est comme l'avoir digéré. Gérer, assimiler. J'ajoute une petite chose, je parlais tout à l'heure de sa critique très virulente à l'égard de la manière moderne, contemporaine de faire de l'histoire et particulièrement la place excessive que prennent les études historiques à son avis en Allemagne. Il est très acide avec ses compatriotes, comme vous le savez. Il reproche justement, quand il parle de ce rapport à l'histoire qui est un rapport maladif, il reproche à ses compatriotes d'être un peuple qui ne sait plus digérer. Qui ne sait pas venir à bout de quoi que ce soit, dit-il. Et il a cette formule très méchante dans Ecce Homo, l'esprit allemand est une indigestion. C'est une manière de dire précisément que pour vivre, il faut savoir trier, il faut savoir effectivement, psychiquement aussi, faire des choix et puis parvenir à surmonter, à éliminer certaines choses. Donc oublier, c'est aussi surmonter, c'est un élément vital de la santé, bien sûr, de l'équilibre. Alors j'en viens à une question essentielle, cruciale. Est-ce que Nietzsche nous dit comment faire pour faire le tri entre les bons et les mauvais souvenirs, par exemple, ou entre ce que l'on doit garder ou ce que l'on doit oublier? Le principal, c'est déjà qu'un tri s'effectue. Ça, c'est une nécessité pour la vie, sans quoi on a affaire à une sorte d'invasion d'informations, je dirais, d'invasion de faits, de souvenirs qui ne peuvent aboutir qu'à la paralysie. Il faut jamais oublier la chose suivante, c'est que Nietzsche analyse l'organisme comme étant une hiérarchie. C'est une oligarchie. Une hiérarchie de pulsions. De pulsions, exactement, c'est ça. Donc c'est une espèce de pyramide. Il y a et puis les relations doivent se comprendre comme des relations de transmission d'ordre, de commandement. Voilà, un organisme, c'est une espèce de société qui travaille avec une division du travail particulière. Et Nietzsche nous dit dans ce qu'il faut bien comprendre, et je crois que ça éclaire effectivement sa vision de l'oubli, c'est que le groupe, l'oligarchie, le groupe dirigeant, celui qui en régit en quelque sorte le fonctionnement de l'organisme, qui distribue les tâches, qui constitue les chaînes de travail, de réalisation, ne peut pas agir efficacement, ne peut pas analyser le rapport à l'expérience, au monde extérieur efficacement, s'il est accablé par une masse excessive d'informations. De même, vous dit-il que sur un champ de bataille, un général, un chef d'état-major qui dirige des opérations ne doit pas tout savoir dans le détail, savoir ce qui se passe pour chaque individu. Il doit voir quels sont grosso modo les rapports de force, les mouvements généraux pour prendre ses décisions. Cette image militaire qui semble un peu décalée, c'est simplement une image, évidemment, pour faire comprendre ce qui se passe. C'est un peu la même chose. Donc, il est indispensable qu'il y ait un tri, une sélection. Et Nietzsche parle, quand un texte posthume où il évoque ces questions d'oubli, il a une très belle formule, il parle d'instinct sélectif de rejet. L'instinct sélectif de rejet et d'oubli, le bon oubli, le bon traitement en quelque sorte de la mémoire, c'est cela. Donc l'essentiel, c'est cette affaire-là. Ensuite, sur quoi porte exactement l'oubli et le rejet? Ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plus une question collective, globale, culturelle qu'individuelle. En règle générale, les grandes régulations, elles se font au niveau culturel, donc nous n'en avons même pas conscience. Mais elles se font malgré nous, alors? Elles se font malgré nous, absolument. Elles se font malgré nous, à la faveur du dressage social, à la faveur du dressage qui est celui d'une culture, c'est-à-dire de la transmission par l'éducation, par les habitudes sociales, par les réglementations juridiques, etc., d'interdits, d'obligations, de choses comme ça. C'est comme ça que les choses se transmettent et se conservent, effectivement. Vous n'avez pas plus conscience que moi, j'imagine, des raisons pour lesquelles vous éprouvez certains actes comme étant bons, d'autres comme étant des actes qui révulsent, nous réagissons comme ça, c'est quelque chose qui s'est fait en nous, qui nous a été transmis, qui a été formaté, éduqué, sans que nous en ayons la moindre conscience. Effectivement, ce sont des processus inconscients, des grands processus formateurs. Oui, mais Nietzsche dit bien qu'il faudrait que l'oubli redevienne une pulsion inconsciente majeure, c'est-à-dire qu'elle remonte dans cette hiérarchie des pulsions inconscientes infraconscientes, et pour le coup comment faire là? Parce qu'il faut bien que ça passe par, c'est bien un acte de la volonté que d'instaurer cet oubli, que ça devienne un processus inconscient chez l'homme. Pour l'incorporer, encore faut-il l'instaurer, l'impulser. Oui, vous avez raison, et ça pourrait sembler effectivement très, comment dire, paradoxal. Alors là, ça nous renvoie à l'analyse du statut du philosophe. En fait, et ce que Nietzsche montre, c'est que l'histoire jusqu'à présent a été un ensemble de processus de régulation, comme ça, se sont mis en place, qui ont sélectionné, qui ont éliminé certaines choses, qui ont rendu inconscientes d'autres choses fondamentales, donc des valeurs, etc. Mais que tout ça s'est fait dans le désordre et le chaos le plus total, en fonction de facteurs qui nous échappent, de facteurs qui étaient la prédominance, d'influence de tel type d'homme, de tel groupe, selon les cultures, d'influence extérieure, diverse, etc. Bon, enfin, tout ça est parfaitement chaotique et irrationnel, mais une fois que le processus a été détecté, Nietzsche pense que c'est le grand pari qu'il fait, en fait, et c'est une possibilité qu'il faut évidemment essayer de suivre et de concrétiser, que le philosophe puisse parvenir à influer sur ces régulations. Donc effectivement, ça c'est par exemple un travail qu'il détaille dans à la fin de Par-delà bien et mal, de manière assez précise, quand il explique qu'un philosophe, c'est pas fondamentalement quelqu'un qui a du savoir, c'est pas un érudit, c'est pas un savant, fondamentalement, c'est d'abord quelqu'un qui est capable de comprendre la logique des valeurs et éventuellement ensuite, je dis éventuellement parce que c'est une affaire très complexe, d'agir sur ces régulations pulsionnelles, c'est-à-dire de parvenir à les infléchir, à les changer, effectivement. Donc vous avez raison, par exemple, dans la seconde considération inactuelle dont nous sommes partis, lorsqu'il critique la place excessive qui est prise aujourd'hui par la valorisation de l'histoire et les études historiques, il nous dit bien, en effet, qu'il faut parvenir à essayer de... Enfin, il faut essayer de parvenir plutôt à... renforcer cette tendance à l'oubli, cette pulsion d'oubli, comme vous le dites, sans nous donner beaucoup de recettes. Il évoque tout à la fin tout de même une possibilité de contrebalancer cette espèce d'objectivisme suffocant qui serait de travailler à valoriser, à revaloriser l'art. Parce que l'art est l'art par nature, c'est une activité qui implique du choix, qui implique de privilégier certains éléments sur d'autres pour créer véritablement une œuvre. C'est ce qu'on fait en matière artistique. Donc, retrouver, redonner de la force à cet instinct de choix, cet instinct sélectif, ça pourrait notamment, mais c'est une piste parmi d'autres, et il n'y a rien de mécanique. Nietzsche nous dit de toute façon, si ça se fait, ce sera un cheminement très long, très difficile, qui va prendre énormément de temps. Mais il est possible effectivement que revaloriser l'art, qui n'est pas particulièrement valorisé dans nos cultures, c'est le moins qu'on puisse dire, quand on le compare au savoir objectif, ce soit une piste intéressante à cet égard. Élever un animal qui soit en droit de promettre. N'est-ce pas là la tâche paradoxale que la nature s'est fixée eu égard à l'homme? N'est-ce pas le véritable problème de l'homme? Que ce problème soit résolu dans une large mesure ne manquera pas d'apparaître d'autant plus stupéfiant pour qui sait apprécier à sa juste valeur la force exerçant une action opposée, celle de la tendance à l'oubli. La tendance à l'oubli ne se réduit pas à une vis inertiae, comme le croient les superficiels. Elle est bien davantage une faculté d'entrave active, positive au sens le plus vigoureux, qui fait que tout ce que nous vivons, expérimentons, absorbons, parvient tout aussi peu à notre conscience durant la phase de digestion que l'ensemble du processus aux mille facettes suivant lequel s'effectue notre nutrition corporelle, ce qu'on appelle incorporation. Fermer momentanément les portes et les fenêtres de la conscience. Ne pas se laisser déranger par le bruit et la lutte propres au travail de collaboration et d'opposition du monde souterrain d'organes que constituent nos serviteurs. Un peu de calme, un peu de tabula rasa de la conscience et de ce fait, place nette pour du nouveau. Avant tout pour les fonctions et les fonctionnaires plus nobles, pour le gouvernement, la prévision, la détermination par anticipation, car notre organisme est structuré de manière oligarchique. Telle est l'utilité de cette tendance à l'oubli active. C'est justement cet animal nécessairement enclin à l'oubli, chez qui l'oubli représente une force, une forme de santé vigoureuse, qui a élevé pour s'en doter une contre-faculté, une mémoire, au moyen de laquelle, dans certains cas, la tendance à l'oubli se trouve suspendue, à savoir dans les cas où l'on a obligation de promettre. Non plus seulement donc un ne plus pouvoir se débarrasser passif, mais au contraire, un ne plus vouloir se débarrasser actif, un vouloir encore et toujours ce qu'on a voulu autrefois, une véritable mémoire de la volonté. Patrick Wöttling, c'est un extrait de Généalogie de la morale de Nietzsche que l'on vient d'entendre, interprété par Hélène Losser. Nietzsche y évoque ce droit de promettre, la promesse qui suspendrait pour un moment l'oubli. Comment expliquer ce dosage aussi? Là encore, on avait mémoire et oubli, et là maintenant c'est promesse, c'est-à-dire projection dans l'avenir et oubli. C'est le mouvement inverse, effectivement. Alors, c'est pas exactement un droit, à vrai dire. Là encore, on a affaire à une régulation. Ça n'est pas une régulation organique fondamentale, parce que l'homme peut parfaitement vivre dans un état, je dirais, immédiat, sauvage, qui était décrit par le texte qui vient d'être lu, c'est-à-dire dans une situation d'oubli généralisé. C'est quelque chose qui est propre à la constitution des communautés humaines. C'est à partir du moment où l'homme entre en société que on a un nouveau type de contrainte et de régulation qui va s'ajouter à la chose. Pourquoi est-ce que l'homme ne peut plus vivre dans cette espèce d'état primordial d'immédiateté, d'amnésie, on pourrait dire. Oui, d'amnésie, c'est ça qui consiste à, enfin, qui a pour effet précisément de faire coller au présent, jouir du présent, mais qui ne permet pas une construction liée au passé de s'élaborer. Ben, ça va changer parce que à partir du moment où il y a constitution d'une société, même rudimentaire, donc d'échange, donc mise en place de certaines structures, il faut que ce que Nietzsche appelle une promesse puisse intervenir. C'est qu'il faut que un minimum, disons, de respect des obligations qui sont au départ très très rudimentaires, bien entendu, mais qui sont la loi même des échanges. S'il y a communauté, il y a échange. Sans ça, pas de communauté. Évidemment, s'il y a échange, il faut qu'il y ait un minimum de validation de ces échanges, donc de rétention et de respect des engagements qui s'opèrent. C'est ça que Nietzsche essaie de penser dans le second traité. Il nous dit qu'effectivement, dans la situation où l'homme vit actuellement, c'est-à-dire en société, un contre-mouvement, une espèce de limitation, de canalisation, de régulation, de contre-régulation de l'oubli doit intervenir. Il y a toute une série de situations dans lesquelles l'oubli positif, disons, dont on parlait tout à l'heure, cette espèce d'oubli vital qui est source finalement d'immédiateté, de bonheur, doit être suspendu, impérativement. C'est-à-dire dans tous les cas où il y a un contrat, une obligation qui est impliquée. Et ça, dans la vie sociale, c'est du matin au soir, c'est tout le temps, bien entendu. Ce qui fait que on a quand même, Nietzsche décrit là, un changement radical du mode d'existence de l'homme qui intervient à partir du moment où on entre en société. Par exemple... Est-ce qu'il décrit ou est-ce qu'il prescrit ? Non, il décrit. Non, il le décrit, c'est une nécessité de toute façon, puisque de facto, l'homme ne vit plus à l'état sauvage, isolé, animal, immédiat. Donc, il analyse quelque chose qui est bien réel, qui existe. Alors, dans toute société, même les sociétés les plus rudimentaires, à partir du moment où il y a une communauté, il y a échange. Et quand il y a échange, il y a nécessairement ce qu'on peut appeler contrat. Évidemment, les contrats ne sont pas formalisés comme nos contrats à nous aujourd'hui, mais c'est-à-dire qu'il y a tout de même un sentiment d'obligation qui intervient. Et qui nous oblige à nous projeter dans l'avenir par ça, la voilà. promesse. Et c'est ça qu'il appelle la promesse. La promesse, c'est la capacité à suspendre, la capacité et surtout la nécessité de suspendre l'oubli, de se constituer une mémoire. Et Nietzsche nous dit bien que la mémoire, elle est construite. Ce n'est pas une réalité naturelle, elle est construite dans ces conditions sociales. Et là, il y a toute une série de techniques. Alors là, il est très précis sur les techniques qui permettent de construire une mémoire. Elles sont épouvantables, au demeurant. Il faut que cet homme, cet animal devenu social, se constitue une mémoire pour certains types de situations. Quand il a donné tacitement, virtuellement son engagement, quand il entre en communauté, qu'il bénéficie des avantages de la communauté, il prend tacitement l'engagement, par exemple, de ne rien faire qui nuise à cette communauté. Voilà, bon, ce sont des genres de situations dans lesquelles il faut qu'il s'en souvienne. Il ne peut pas continuer à agir uniquement de son propre gré sans avoir la moindre considération. Et sans avoir une moindre idée de ce qui a pu lier un individu exactement. À un autre dans une société. Exactement. Est-ce qu'on peut penser à ce moment-là, est-ce qu'on peut mettre en opposition ou comment articuler l'idée actuelle, plus qu'une idée en fait, de devoir de mémoire avec une espèce de droit de promettre ou la promesse dont Nietzsche parle, d'un côté pour le passé, d'un côté de l'autre pour l'avenir, ou en tout cas, devoir de mémoire face à, on va dire, droit de l'oubli que Nietzsche aussi pourrait promouvoir. Oui, le devoir de mémoire serait il s'intégrerait assez facilement dans les analyses de Nietzsche, en fait simplement une régulation qui est apparue plus récemment, mais qui relèverait de la même logique que ce qu'il décrit, c'est-à-dire qu'on considère dans certaines sociétés, c'est le cas de la nôtre par exemple, que c'est un bénéfice global pour la société que d'instaurer cette suspension de l'oubli, cette élimination, dans certains cas, par exemple dans les cas effectivement d'événements particulièrement monstrueux, particulièrement ignoble, dangereux, du type génocide, extermination, crime de masse, des choses comme ça. Mais la régulation, le contenu, donc effectivement là, est appliqué à une situation nouvelle, mais la législation, la régulation générale peut parfaitement se penser dans le cadre de ce que Nietzsche décrit dans le second traité de la généalogie de la morale. On est toujours dans un cadre social, oui, dans un cadre où on considère que faire partie d'une société... C'est le cas vraiment chez nous, faire partie d'une société, faire partie de la société française aujourd'hui, par exemple, ça implique ce devoir de mémoire. On ne peut pas se dire pleinement intégré à la société si on considère que la mémoire de grands crimes de masse, par exemple, qui ont tragiquement ensanglanté notre histoire et l'histoire européenne, ne sont rien. Ce sont simplement des choses qu'on oublie, dont on ne se souvient pas, dont on ne tire aucune leçon. Voilà. Donc ça, voilà un cas typique d'échange de ce que j'appelais un contrat tout à l'heure. Ben, c'est tacitement un contrat social, en quelque sorte. Et donc, il faut faire une mémoire aux individus sur ce sujet-là également. Et comment statuer sur cette mémoire, sur ce que doit contenir cette mémoire, ou inversement, sur cet oubli, ce que l'on peut oublier? On a aussi entendu des débats avec le devoir de mémoire sur le problème de la concurrence des mémoires. Oui. Qu'est-ce qui est à retenir? Qu'est-ce qui est à garder à une échelle collective? Pour un individu, ça peut être supprimer son ex, mais finalement, ça n'a pas beaucoup de retentissement à l'échelle collective. Mais à l'échelle collective, c'est beaucoup plus engageant. Oui, oui, bien sûr. Alors, les questions que vous posez sont des questions normatives. Ici, en fait, on trouvera assez peu de réponses techniques sur les questions normatives chez Nietzsche. Il s'intéresse bien plus à la mise en évidence des régulations qui permettent, si vous voulez, de construire ces logiques, hein, ces espèces d'équilibre, puisque dans l'état social communautaire qui est le nôtre, comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, on a affaire en effet à un certain mélange, un certain équilibre entre de l'oubli, de la mémoire, du tri. Bon, Nietzsche indique donc quelles sont les techniques, les régulations qui font qu'une société, une culture parvient comme ça à imposer ce genre de tri, faire que certaines choses sont assimilées, que d'autres sont considérées comme négligeables, sont éliminées, mais que certaines sont bien présentes, que dans certains cas l'oubli est suspendu. Mais il va assez peu nous dire quel est le contenu qui doit absolument être privilégié, simplement parce que c'est, faut pas oublier que c'est un penseur de la culture, c'est quelqu'un qui voit quand même l'ensemble du développement de l'humanité avec toutes les variations, comprises les cultures humaines, les communautés humaines dans l'histoire. Il est très bien informé de l'ethnologie, de l'ethnographie de son temps. Et en tant que philosophe, il voit simplement que virtuellement, ça peut être n'importe quoi, le contenu sur lequel se fixe. Oui, il n'agit pas là-dessus, il n'intervient pas sur qu'est-ce qui doit être retenu ou oublié. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le processus de conservation ou d'oubli. Il a beaucoup plus étudié ces choses-là, en effet, et quand il a étudié des contenus plus précis, c'est souvent de manière négative, sous l'angle de l'hypertrophie, c'est le moment où la rétention devient une maladie. Mais vous trouverez assez peu de choses qui soient prescriptives, dans lesquelles il indique qu'il faut se souvenir. Une culture saine, c'est une culture dans laquelle on se souvient de ceci, de cela, dans laquelle on oublie ceci et cela. Ça, il y a assez peu de choses, parce que je pense que, à ses yeux, il y a trop de variations culturelles, de toute façon, pour qu'on puisse avoir les idées nettes à ce point. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que le travail du philosophe, c'est précisément d'effectuer une comparaison, ce qui est un travail colossal, évidemment, une comparaison entre ces régulations propres aux différentes cultures que l'humanité a expérimentées, pour essayer de voir celles qui donnent les façons de vivre les plus efficaces, les plus épanouies, etc. On n'en est qu'au tout début de ce processus. Donc Nietzsche n'est de toute façon, il a la modestie de le reconnaître et de le dire, il n'est absolument pas en mesure de tirer d'ores et déjà des conclusions et de dire qu'il faut faire ceci et il faut faire cela plutôt que telle autre chose. Donc là, on trouvera, je crois, assez peu de réponses. Nietzsche est beaucoup moins directif que le sont en général les philosophes sur ce type de questions. On passe de Jeanne Moreau à Sexy Sushi Oublie-moi, mais ne nous oubliez pas. Merci à vous, Patrick Votling. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on peut lire de vous, oui, l'homme fut un essai, la philosophie de l'avenir, selon Nietzsche, et c'est aux éditions PUF que l'on peut trouver. Il est 10h53, vous écoutez France Culture, et c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo, présenté aujourd'hui par Colomba Grossi. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Colomba. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Silence, je vous prie. Au nom de Dieu et des hommes, je vous accuse, mesdames, messieurs, d'avoir commis les crimes suivants. Docteur Lewis, vous avez causé la mort de Jeanne Carel. Général Mackenzie, vous avez fait tuer l'amant de votre femme. Emily Brandt, vous êtes responsable de la mort de Béatrice Taylor. Enfin, Malgrave, vous êtes responsable de la mort de George Harper. Vous aurez peut-être reconnu le début de Dix Petits Nègres, le roman policier d'Agatha Christie, paru en 1939, où 10 individus qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam se retrouvent ensemble sur une île en Angleterre, sans savoir très bien qui les a invités. Le premier soir, tout le monde est attablé pour dîner, quand une voix, sortie d'on ne sait trop où, accuse chacun des convives d'avoir commis un meurtre dans le passé et d'avoir ensuite réussi à échapper à la justice. À partir de là, ils sont tous assassinés un par un par un meurtrier invisible qui s'inspire dans sa façon de donner la mort d'une comptine pour enfants assez lugubre qui détaille la disparition successive de 10 personnes. 10 petits nègres allèrent tous dîner, l'un d'eux s'étouffa, il n'en resta que 9. 9 petits nègres s'endormirent très tard, l'un ne se réveilla pas, il n'en resta que 8. 8 petits nègres partirent pour le Devon, l'un d'eux s'égara, il n'en resta que 7. 7 petits nègres coupèrent du bois, l'un se coupa en deux, il n'en resta que 6. La dernière à mourir est Vera Claythorne, une professeure de gymnastique accusée d'avoir sciemment envoyé un enfant à la noyade. Elle se pend dans sa chambre où une chaise et une corde ont été disposées. Mais elle ne peut pas être la meurtrière, puisque lorsque la police finit par arriver, la chaise sur laquelle elle était montée est sagement repliée contre un mur. Quelqu'un est donc passé derrière elle faire le ménage, alors que tout le monde est censé être mort. Le fin mot de l'histoire est donné par une lettre de confession retrouvée peu après, écrite par l'un des personnages, le juge Wargrave, qui avoue avoir simulé sa propre mort et tué toute la compagnie par amour de la justice. Son mobile était de punir des gens qui n'avaient jamais répondu de leurs actes, tout en commettant une série de meurtres grandioses dont la police ne trouverait jamais le coupable. Un geste artistique, en somme, une énigme telle qu'on ne pourrait qu'admirer l'ingéniosité de son auteur. Et pour ma part, je dois avouer que j'ai toujours été très satisfaite de la solution proposée par Agatha Christie, et je ne me souviens pas avoir jamais douté de la culpabilité du juge. Et pourtant, dans son dernier livre, intitulé « La vérité sur 10 petits nègres », paru le mois dernier aux éditions de Minuit, Pierre Bayard démontre que tout lecteur doté d'un demi-cerveau ne peut pas accepter une seule seconde que l'intrigue puisse se résoudre de cette façon-là. Le juge ne peut tout simplement pas être ce tueur fou obsédé par une chanson pour enfants. Cela fait en réalité presque un siècle que les lecteurs de ce classique s'illusionnent en pensant que la romancière leur a livré le vrai coupable. Pour Pierre Bayard, il n'en est rien, et tout son livre est donc la contre-enquête qui doit rétablir la vérité. On retrouve en fait le procédé qu'il utilisait déjà dans « Qui a tué Roger Ackroyd » et dans « L'affaire du chien des Baskerville », qui sont deux essais de rectification de certaines enquêtes policières de fiction qu'il juge invraisemblables. Et il propose avec son dernier livre de revenir sur un nouveau malentendu littéraire et de faire la lumière sur un mystère que personne n'a résolu, pas même Agatha Christie. La nouveauté cette fois-ci étant qu'il laisse la parole au véritable meurtrier des 10 petits nègres pour nous mener à la seule solution acceptable. Je précise que je ne dévoilerai évidemment pas l'identité du vrai coupable et que vous pouvez continuer à écouter cette chronique sans craindre d'être spoilé. Mais il y a bien pourtant une fin, Colomba. À la fin du roman, le juge avoue bien qu'il a tué tout le monde. Oui, mais en fait, rien ne nous assure que c'est une vraie confession, un vrai aveu, et que les choses se sont vraiment passées comme ça, et rien ne nous assure non plus que c'est bien le juge qui a écrit cette lettre. Pour Bayard, la première chose qu'on aurait dû faire, et qu'étrangement personne n'a faite, c'est d'abord de douter de l'authenticité de cette lettre, parce que son auteur pourrait très bien mentir. Et c'est le premier des indices qui l'égrène dans tout son livre, en espérant que le lecteur finira par arriver tout seul à la bonne conclusion. Donc parmi les éléments auxquels on ne peut décemment pas croire, il y a par exemple le fait que si l'on suit Agatha Christie, le meurtrier qui a mis tant d'énergie à tuer d'une façon si élégante n'en tire en fait aucun bénéfice puisqu'il se suicide à la fin. La logique veut pourtant qu'un meurtre profite à celui qui l'accomplit, parce que la beauté du geste ne suffit généralement pas. Et autre élément insensé, le roman veut que le juge ait trouvé, le plus facilement du monde, 10 criminels ayant échappé à la justice à réunir sur son île. Mais à moins d'être un véritable aimant à meurtrier, une telle trouvaille est complètement absurde. Mais du coup, si ce n'est pas le juge, est-ce que Bayard donne alors des pistes pour qu'on trouve le vrai coupable ? Eh bien, il y a une piste à laquelle il faut réfléchir, c'est qu'en fait l'importance donnée à la chanson des 10 petits nègres qu'on a entendue et qui scande la série des meurtres empêche de les examiner un par un. Le fait que chaque meurtre soit pris dans une série empêche le lecteur de voir que l'un d'eux en particulier a très probablement dû échouer. Je vous laisse reprendre le roman et deviner lequel, parce qu'il y a vraiment une solution alternative qui fonctionne parfaitement. Merci beaucoup. Est à retrouver et à réécouter sur le site de France Culture. Et merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda, Mathieu Tarpin, Adèle Vendret bien sûr, Hélène Lossor à la lecture des textes, Thomas Beau à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui, Louis Bardinet. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine sur l'oubli, et demain ce sera le physicien Michel Lagus qui viendra nous parler de l'invention de la mémoire. Mais d'ici là, on se retrouve sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur les réseaux sociaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour réécouter nos émissions, suivre les programmes et trouver toutes les informations.